Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up. wanna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin our wheel. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. That was not so bad. That was not so bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? So bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Pero me tiene espionaje.

You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sortie FM. Take on even more. Ludo. Et marcher dehors, m'arrêter un instant, regarder le ciel. Le soleil sur les toits posera ses reflets d'or. Je vais kiffer voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Quelques mois sans beaucoup de couleurs, confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel. Je vais offrir des chansons, des sourires et des fleurs. J'en aurai plein les mains vu que c'est pas essentiel. Je vais aller traquer avec les premiers venus, si pour faire la fête sans un bon potentiel. Avec la famille, les potes et des inconnus, on va lever notre verre à ce qui est non essentiel. Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels. Protégeons le futile et sur ce je conclue. N'écoutez pas cette chanson, elle est pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentielle. Pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. Feeling like this, and ooh, love something I can resist. give me that hula hula.

de vidéo. Bonsoir à vous, c'est le mix de Ludo. Thank you. Thank you.

just passing through. Ludo. just watch me dance. Watch me dance. Alors on danse.

come inside of day. You're acting like a diva saying you don't wanna play. It's gotta be your modesty style, raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your border with Mojito at the bar. Reapply your lip because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Le